Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales, les écoute pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Pendant 3 heures, cette meilleure musique, là, la meilleure et la pire en même temps, on sait pas, on va les entendre, comme ça on verra bien ce qui se passe. Du côté francophone, ce qu'on a reçu cette semaine, entre autres, on a reçu Yann Perrault et Thomas Jensen, mais on va commencer par Michael, avec une pièce qui s'appelle « Je sais combien la peur » de Daniel Bélanger. On écoute ça tout de suite et on en parle après au poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. La nuit est tombée, voici le temps venu de parler. Je ne partirai plus, je reste ici, je reste ici. Par mon amour, toi qui rêvais de t'envoler comme un ballon, les vents sont bons, t'emporteront, la terre te sera le plus beau des jardins. Ne refuse pas, j'irai bien te rejoindre. Ne refuse pas, tu n'as rien à craindre. Je sais combien la peur en ce monde est une rade impitoyable, et sous son un caillou qui joue dans l'eau et dans l'univers. Le soir, quand le ciel est un bijou rutilant et ondulant, j'ai l'impression que je tomberai dans la voie lactée. Je m'agrippe au sol et à ma vie folle, je ferme les yeux, je m'imagine heureux, tout fin seul avec toi. Ok, moi j'étais en train de lire, en fin de compte, c'est un gars qui a été conseillé par José Lito Michaud. Fait que je pense pas qu'on devrait continuer ça. Malheureusement, pour ceux qui aimaient ça, désolé. Je n'irai même pas le résumer. À la place, on va juste aller entendre l'album de Thomas Jensen qui s'appelle « Quelqu'un d'autre ». Et tout de suite, voici Montréal dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Dans vos oreilles, toujours. Des fois, il y a des choses qui marchent pas. José Dimitio, c'est fou, ça marche pas. Mais c'est un gars de Jonquière, le gars. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Vous serez étonné par la profondeur et la voix riche et la sensibilité de l'État. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées, mais rien n'est jamais tout rose, et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées, mais rien n'est jamais tout rose, et c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Cherfi, à Sicro, Famouze. Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Je suis pas né à Montréal, mais j'y mourrai peut-être un jour, puisqu'il faut finir quelque part. Sur Sainte-Catherine, ce serait pas mal, non? Une mort glauque et pathétique, entourée de putes et de flics, les unes pleurant, les autres crachant. Et moi aux anges, en me disant que Montréal n'est pas la ville rose, mais

Trois premières pièces du nouvel album de Thomas Jensen, quelqu'un d'autre. On a entendu Montréal suivi de Rien en dessous, et ça, c'était quelqu'un d'autre ici dans le poste d'écoute où on écoute les CD un après l'autre, un après les autres. quelque chose du genre, sans les avoir entendus d'avance. Donc, parlons un petit peu de Thomas Jensen. Après 6 folles années passées au cœur des faux monnayeurs, il emprunte une nouvelle direction musicale avec quelqu'un d'autre. Premier album 100% de son cru en magasin dès le 22 janvier. Communiqué de presse, lisons-le. Le guitariste, auteur, compositeur et interprète Thomas Jensen ne fait rien comme tout le monde et tout comme personne. C'est bien connu. Après avoir clandestinement enflammé les scènes musicales d'ici et d'ailleurs pendant près de 7 ans en compagnie de ses musiciens et acolytes faux monnayeurs, il a ensuite repris la route dans une nouvelle direction, destination la création solo. Il fait aujourd'hui escale pour présenter quelqu'un d'autre, fruit de ses récentes pérégrinations musicales sur l'autoroute de la pop expérimentale, en milieu d'avantages urbains, traversant des paysages aux couleurs tant latines, rock qu'électro, mélodieusement véhiculé par un magnifique orchestre de cordes qu'il a trimballé tout au long de son périple et qui occupe une place de choix dans le carnet de voyage qu'il vient nous proposer. Exit donc l'osmose musicale intensément vécue avec ses faux monnayeurs, avec qui il s'est d'ailleurs payé une tournée d'adieu à la fois mémorable et endiablée au cours de l'automne 2006, dont l'intensité fut immortalisée sur la compilation Pris sur le vif, un album double enregistré devant public. Aujourd'hui, Thomas Jensen pénètre de plein pied dans une formidable aventure solo en compagnie de nouveaux complices, dont François Lalonde, qui a travaillé avec Jean Leloup et Doba Caracol, avec qui il s'est accoquiné pour la concoction de 13 pièces que l'on retrouve sur quelqu'un d'autre. Se sont également retrouvés sur la route de toujours inspirés Globetrotter, le réputé saxophoniste jazz Jean de Rome, qui joue de son instrument sur l'une des pièces, de même qu'il assure les arrangements des cordes sur une autre. Il y a aussi Carole Facal de Doba Caracol, qui agit à titre de choriste sur deux créations. Plusieurs autres personnes, Martin Lisotte, Nemo Venba, Pierre-Emmanuel Poisa, Guido Del Fabro et Alex McMahon, dont la synth bass vient rythmer la joyeuse pièce Montréal qu'on a entendue. Quant à la plume de Jensen, elle se veut toujours aussi poétique et allumée en dépeignant tantôt avec humour, tantôt avec un zeste de mélancolie ou d'ironie, l'amour, l'espoir, Montréal, les relations humaines ou encore la vie avec un grand V. Voilà. Donc thomasjensen.com, thomasjensen.com ou myspace.com/thomasjensen ou passer par le site de l'émission au mplante.wordpress.com. Je réalise que je lis beaucoup trop le texte. Désolé. On passe à un groupe montréalais qui s'appelle Mongrels. Leur album s'appelle Oshawa. Et tout de suite, voici Bongo! Au poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Hey! the city living. Gonna take a lot of love to fire me up and burn me down. Plus de Mongrels au retour dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Vous syntonisez le poste d'écoute et tout de suite, voici une troisième pièce de la formation montréalaise Mongrels. C'est Hanged Dirty au 89.1 FM. Through the Mongrels avec l'album Oshawa et les pièces Bongo, City Living et Hang the Dirty dans le poste d'écoute. On vient de l'entendre pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. Donc, Mongrels, un groupe de Montréal, myspace.com/mongrelsMTL, Mongrels, M-O-N-G-R-E-L-S. Donc, qu'est-ce que c'est Mongrels? En fait, c'est un groupe, je dirais pas spécial, mais ce que j'ai trouvé spécial d'eux, c'est qu'ils ont deux batteurs en même temps. Hein? C'est quand même assez pas pire, ça, quand même. C'est un sextet? Un sextuor? Un sextuor, en tout cas. Il y a 6 personnes dans le groupe, voilà, qui mélangent le bien et le mal, la science et la nature, l'amour et la peur, la logique et l'émotion. C'est du freak, rock'n'roll, psych, soul, métallique, mélodique et hard. C'est Jefferson Airplane qui rencontre Judas Priest, selon eux-mêmes, le groupe Mongrels, sur Weird Beard Records. Donc, apparemment que le bouche à oreille a travaillé très, très vite, très, très fort pour eux, pour le tout dernier supergroup de Montréal, selon le Montreal Mirror. Surtout, au moins en partie, à cause du guitariste Andrew Dixon, qui a travaillé avec le chanteur et guitariste du groupe canadien nominé au Juno, Tricky Woo. Voilà, ils disent que le rock vit toujours, rock lives, c'est ce qu'ils disent. myspace.com/mongrelsMTL, si vous voulez vous renseigner et aller entendre des pièces, dont Bongo, une pièce qui s'appelle The Answer. C'est étrange quand même. Ils étaient en spectacle, oui, le 11 janvier dernier à Toronto. C'est le seul spectacle sur MySpace, mais surveillez ça si ça vous intéresse. Apparemment qu'en show, c'est malade. Ils ont eu des commentaires tels que c'est l'équivalent de high five auditif et c'est simplement merveilleux. Ça, c'est des membres du public qui ont apparemment dit ça. C'est beau, hein? Donc, ça, c'est Mongrels de Montréal. Maintenant, on passe à Yann Perrault avec son nouvel album Perrault et la Lune live au 4 sous. Donc, vous comprendrez que c'est un album live devant public. On ne passera pas des tonnes de pièces de ça. Mais je décide d'en entendre une de chacun des deux CD que dans son superbe coffret avec, comme deux CD, hein, évidemment, et un DVD aussi avec plusieurs très, très bonnes pièces. Nous, on va entendre les pièces qui sont probablement les plus connues, assez fous. La vie n'est pas qu'une salope, mais avant, voici Triste Poupée. Au poste d'écoute, au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. La vie rend pas tes pieds, ta soit la graine de déesse, soit Louis. Je t'ai aimé jusqu'à la corde, triste poupée. J'en ai pleuré des cordes, la fonte des neiges éternelles a épuisé la folie. Jusqu'à la corde, triste poupée. J'en ai pleuré des cordes, la fonte des neiges éternelles. Ragazzi, athlete, hop! Ragazzi, athlete. Yann Perrault avec l'album Perrault et la Lune live au 4 sous. Excellent, excellent, excellent. Ça, c'était la pièce La vie n'est pas qu'une salope, la 9e du 2e CD. Juste avant, c'était Triste poupée, la 7e du 1er CD. Et là-dedans, il y a aussi un DVD et des extras. 3 chansons en rappel, tous les vidéoclips de Yann, une entrevue en coulisses et une prestation à l'émission Manche ta ville sur RTV. Donc, une collection vraiment dure à battre. Donc, après avoir fait paraître un premier recueil de textes aux éditions VLB, Perrault et la Plume, l'auteur, compositeur et interprète Yann Perrault lance Perrault et la Lune live au 4 sous. Premier DVD du poète-musicien Perrault et la Lune live au 4 sous immortalise l'univers intimiste et nocturne du spectacle éponyme qui a su séduire séduire critique et public, raflant au passage le Félix de la meilleure mise en scène au dernier gala de la disque. Riche rétrospective, qu'est-ce que j'ai de la misère aujourd'hui? J'ai dit qu'est-ce que j'ai de la misère, juste pour que vous soyez sûrs. Hein? Riche rétrospective des deux derniers albums de Perrault, le DVD filmé dans l'antre du théâtre de 4 sous et réalisé par Éric Morin de Manche ta ville sur RTV, capte l'essence même du chanteur qui, incroyable bête de scène, habite les planches avec l'aplomb du rocker, la douce folie du poète. Voilà. L'album va être lancé le 23 janvier à 17h au Excentris sur Saint-Laurent à Montréal. L'album va être en magasin dès le 29 janvier. Vous pouvez aller voir le bonsoundrecords.com/Perrault et la Lune pour visionner un extrait de Perrault et la Lune live au 4 sous. J'ai vraiment aimé les pièces que j'ai entendues et je vais certainement écouter les autres. Dernier album pour cette première heure du poste d'écoute, c'est celui de Jason Collett. Son album s'appelle Here's to Being Here. Et tout de suite, voici la pièce Roll On Oblivion. C'est le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous au 89.fm dans vos oreilles. Roll On Oblivion. We're living out of space. Roll on, southern gentlemen, and your Bonaparte ways. No need to get philosophic when you're the sharpest teeth. Feeling fabric, fell out of vogue in the new century. Throw it out on a table. Find out in the streets. La pièce qui ouvre le nouvel album de Jason Collett, c'est Roll on Oblivion. L'album s'appelle Here's to Being Here. Donc, Jason Collett, un ancien membre, en fait, c'est un membre présentement de Broken Social Scene, mais aussi un artiste solo, un artiste établi qui a vendu presque 15 000 copies de son dernier album, Idols of Exile, en Amérique du Nord. Ses précédents albums ont reçu de très bonnes critiques et il a été comparé à Ron Sexsmith, Wilco et Bob Dylan, c'est selon le dossier de presse. Sur l'album, il y a des performances par ses amis de Broken Social Scene et puis le frontman de Apostle of Vassal, Andrew Whiteman, et son ami Tony Scher qui travaille avec Norah Jones et d'autres. Et aussi Liam O'Neill de The Stills dans cet album-là. Donc ça a l'air très très bon. arts-crafts.ca/Jason Collett. On va se quitter avec une autre pièce de son album qui s'appelle Sorry Laurie. Mais avant, petit résumé de la première heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous pour la première fois. On a coupé Michael avec son album Il Tempo. Ensuite, il y avait Thomas Jensen avec l'album Quelqu'un d'autre. Mongrels, que j'ai bien aimé, avec l'album Oshawa, c'est un groupe de Montréal. Yann Perrault, l'album live très très bon. Perrault et la Lune live au 4 sous. À date, c'est ce que j'ai aimé le plus. Et Jason Collett, l'album s'appelle Here's to Being Here. On se quitte avec la deuxième pièce de l'album. Voici Sorry Laurie. Et dans la deuxième heure du poste d'écoute, un paquet d'autres très très bonnes choses s'en viennent et puis peut-être Zachary Richard. On verra. Restez là, c'est le poste d'écoute au 89.fm. there's nowhere left to hide. And the raindrops fall safely along with the tears, and the cool heart of the lonely, and the pool so close. C'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous pour la première fois. Dans cette deuxième heure, on va avoir plein de bonnes choses, dont Darren Frank avec Colt Diamond tantôt. Et plus tard dans l'émission, Danny Janvier va venir nous rejoindre pour une entrevue avec Mad Caps. Mais avant, on commence par Zachary Richard. Tout de suite, voici la pièce Lumière dans le noir. Au 89.1 FM dans vos oreilles. Faites attention de ne pas mettre votre radio dans votre oreille, ça pourrait vous faire mal. Hein? Ne pas insérer dans le conduit auditif. Là. J'ai marché toute la nuit pour traverser la frontière meurtrie. Le les chiens de nos ennemis. Aboyer. J'ai chanté cette chanson tout au long, la mélodie de ton nom, au rythme des battements de ton corps. Comme un ruisseau au milieu Carré Richard et Lumière dans le noir, simple, un album, un nouvel extrait de son nouvel album, oui, de Zachary Richard, qui s'appelle aussi Lumière dans le noir. Je ferai pas tant de commentaires sur la pièce parce qu'il y a pas grand chose qui m'agace et m'emmerde le petit plus dans la vie que Zachary Richard. J'aime vraiment, vraiment pas ça, mais c'est pas grave. Après avoir marqué l'année 2007 avec l'apparition de son sublime album Lumière dans le noir, dit le document de presse, et une série de spectacles mémorables au Québec, Zachary Richard nous propose un nouvel extrait de cet album, soit la pièce titre Lumière dans le noir. Composé et réalisé par Zachary Richard à Montréal, en Nouvelle-Orléans et à Puteaux en France, cette chanson de souvenirs et d'espoir en est une très spéciale pour l'auteur puisqu'elle souligne la perte d'un être cher à l'artiste, son père Eddie Joseph Richard. Avec la complicité de ses excellents amis musiciens, Éric Sauvia à la guitare, David Torkanowski au clavier, Laurent Verneret à la basse et Denis Benaroche à la batterie, Zachary Richard est comme toujours simple et touchant avec cette chanson. Les paroles, tiens, comme un ruisseau au milieu du désert, comme un éclair dans la nuit, comme une prière qui fait cesser la guerre, comme une lumière dans le noir et l'espoir de t'aimer encore. Hein, voilà. Si vous voulez plus d'informations, ben passez par le site de l'émission, c'est le mplante.wordpress.com, site temporaire étant donné qu'une chance.com ne fonctionne pas cette semaine, mplante.wordpress.com. Là-dessus, il y a les liens vers tous les artistes de l'émission d'aujourd'hui. Et plus tard, il y aura le lien vers la balado-diffusion en MP3 pour réentendre cette édition du poste d'écoute. On passe de Zachary Richard à Darren Frank. Son nouvel album s'appelle Call to Diamond. Et en fait, je regarde ça, c'est même pas un album complet. C'est un maxi de seulement 5 pièces. Voyons si on aurait aimé en avoir plus. On commence par la pièce Uncross Your Arms. Ça se passe maintenant à l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous. Pour la première fois, c'est le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou, ça. It's crazy, that. Shit. Crazy shit. as faded years go. My smile is wide, it's ear to ear. I feel alright, boy. I finally feel here. My loans are paid every 30 days or so. The debt it is, I've done it last. Its roots run deep with fertile soil it feels in me. It takes a while to realize sometimes, but when spells break, we see inside with magnified eyes. If you're waiting, Darren Frank avec Uncross Your Arms et It Doesn't Yet, de son hippie Cult Diamond. Darren Frank qui vient de Edmonton et on dit que c'est le Josh Rouse de Edmonton. D'accord. Donc, ça dit qu'il écrit des chansons et les chante, qu'il les performe et les enregistre. Il a sorti, il a mis ses chansons sur un hippie qui s'appelle Cult Diamond, qui est Smashtastic. Un sound extravaganza, qui dit. J'aime vraiment son dossier de presse, il est très très drôle. C'est de la musique en fait, oui, il y a de la musique à écouter sur cet album, et si vous l'entendez, vous saurez que le CD fonctionne, parce que du début à la fin, ce CD jouera. Hein. D'autres points à noter, il a appris à faire du vélo deux roues à 3 ans. Il parlait avec un vêtement jusqu'à 11 ans. Il a participé à plusieurs équipes de sport. Il écoutait du Rick Astley et du Boyz II Men. Il est allé à un collège musical et il a appris plusieurs affaires et en a oublié d'autres. C'est pas mal ce que son dossier de presse dit. J'adore ça, c'est très très drôle. Donc, myspace.com/DarrenFrank, D-A-R-R-E-N Frank, ou DarrenFrankMusic.com. Une de ses amies, collègues une autre personne qui habite en Alberta, dans le fond, finalement, c'est pas mal ce que ça veut dire. Colleen Brown. On les a reçus ensemble, ces deux CD-là. Et puis, son album à Colleen s'appelle Foot in Heart. Et elle, c'est vraiment un album complet. Son site web est sur le ColleenBrownMusic.com. On commence par la pièce Fantastic Feeling. Et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles à Trois-Rivières et ailleurs sur le cifou.ca. This woman on the talk show is, she is crying to herself. Deux pièces du nouvel album de Colleen Brown, Foot and Heart. On vient d'entendre Ain't Got No Man To Have Problems With, précédé de Fantastic Feeling. Donc, cette Colleen Brown, c'est son deuxième album complet qui est sorti en décembre 2007. Et Colleen a grandi à Lloydminster sur la frontière, entre l'Alberta et la Saskatchewan. Elle a déménagé à Edmonton pour étudier la musique au Grant McEwen College in the Vocal Performance Program, dans le programme de performance vocale. Voilà. Donc, c'est elle qui a payé et qui a sorti son premier album elle-même, celui qui s'appelait A Peculiar Thing, en décembre 2004. En 2005, elle a performé à la télé pour... c'est marqué sur le texte en anglais, l'installation de la gouverneure générale Michaëlle Jean. Elle avait chanté A Love Song for the Everyman avec tous les premiers ministres là, présents. Là, un paquet d'affaires, là, c'est super important. Et voilà. Donc, c'est pas mal tout. Je cherche mes mots. Colleen Brown, myspace.com/ Colleen Brown Music, c'est son adresse. Allez la voir. J'ai bien aimé malgré les petits. Les genres de petits bouts country, mais il était pas assez pour m'achaler. J'ai quand même bien aimé. J'ai été impressionné. Je m'attendais pas à aimer ça. Colleen Brown avec Foot and Heart, c'est un album canadien. Ça vient de l'Alberta. Prochain album, là, je suis très très excité de recevoir ce CD, de l'avoir entre mes mains, celui de Johnny Hollow, Dirty Hands. La pièce Superhero est dans nos palmarès anglophones depuis quelques temps et j'aime vraiment beaucoup cette pièce, donc on va aller l'entendre parce que c'est ce qu'on appelle notre bloc machine défectueuse quand on ne commence pas par la première pièce. Donc voici Superhero de Johnny Hollow pour se mettre dans le bain de ce que c'est. Plus tard, on entendra de nouvelles pièces de l'album Dirty Hands dans le poste d'écoute au 89 FM à Trois-Rivières. Take back all Retour de nouvelles pièces de Johnny Hollow de l'album Dirty Hands dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Vous syntonisez le poste d'écoute et après avoir replongé dans l'univers de Johnny Hollow et la pièce Superhero de nos palmarès, voici Alchemy au 89.1 FM. Thank you. inside you. You know I'm filthy. Shut up and listen. Why don't you give up this mission? Shut up. Simply shut up and listen. Why don't you give up this mission? Shut up and look at me. I'm just a stranger. Know that you think you knew me. Words on the tip of my tongue. Give up this mission. Shut up. Look at me. I'm just a stranger. Know that you think. Just a stranger. Know that you think. I'm just a stranger. Know that you think. Love is strong as death. death will do us part. Set me as a seal on your heart and all your heart. They say that jealousy is deep as the grave. That is what it ends on. Avec les trois premières pièces de l'album qui s'appelle Dirty Hands. On vient tout juste de recevoir ça, c'est fou, c'est vraiment très bon. Évidemment, ça ne bat pas la pièce Superhero qu'on a entendue au début, mais peut-être qu'il va falloir plusieurs écoutes avant que je m'habitue au son de Johnny Hollow. C'est quand même très bon, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, Johnny Hollow, un band de Canadiens basé à Guelph, en Ontario. Leur mélange d'électronique sombre et de son orchestral a été décrit comme étant de la musique de chambre gothique pour le 21e siècle par Rue Morgue Magazine. Leur son est un mélange d'électronica, exotica, gothique et classique avec une emphase, comment on pourrait dire, sur le clavier et les voix, selon Fiend Magazine en Australie. Voilà. Donc, leur site web, myspace.com/JohnnyHollowMusic ou JohnnyHollow.com. Les membres du band Johnny Hollow, c'est Janine White, Kelly et puis Vincent Marcone. Voilà donc pour Johnny Hollow, l'album est Dirty Hands. On passe à un album canadien. En fait, si je regarde ça, c'est un autre album canadien parce que l'autre groupe, Johnny Hollow, vient d'Ontario. Celui-là s'appelle The Boy from E.T. L'album, c'est Lives the Part. Et tout de suite, voici à Sam Shepard Play dans le poste d'écoute au 89.fm. Là, du campus de Trois-Rivières. Et okay. Sur le cif.ca aussi. Hi, everyone. My name's Henry. Most of you probably know me from my film work, I would guess. But I also write songs, and I'm going to play a few of them for you tonight. This first one I just wrote recently. I was in New York doing a play with a friend of mine, Gerard Depardieu. We were doing True West, which some of you might know. It's an American play by Sam Shepard. And it was a lot of fun. I learned a lot working with Gerard. He's one of my favorite actors. He's a French actor. And we spent a lot of time together off the show as well. We went out a lot. The cast as well, we really bonded, I think, over that time. And we drank a lot, I guess. Excusez-moi, je sais que c'est plate de faire ça, mais je trouve ça plate, un gars qui parle dans une toune, ça marche pas en tout. Voici une pièce, j'espère bien, musicale. Voici In Quebec, Fuck You, Gérard Depardieu. C'est le nom de la pièce. C'est bon. In Quebec, parle pas, par exemple. That's where the French learned how to work 18 hours a week weren't enough to turn the dirt into their land. They used their hands. And in Quebec, that's where the French learned how to fight. C'est vraiment mauvais. Je sais pas quoi faire avec ça. Ça commence à chanter, mais ça a l'air plate. On va une autre pièce. Dernière chance, troisième pièce, c'est assez après, OK? I think the point that I was trying to make conclusion is that even OK, non, ça me tente pas, en fin de compte. J'ai juste vraiment pas envie. Plate à dire. Hein. Mais à la place, on va passer à Kate Mackie. Son album s'appelle On High. Et tout de suite, voici la pièce Highway dans le poste d'écoute. C'est une émission qui gêne pas pour dire quand on trouve ça poche. J'aime pas ça. C'est peut-être bon, là, mais c'est un poste d'écoute pareil, tu sais. À un moment donné, on écoute, puis si on aime pas ça, ben on passe au suivant. Truth is on the windowsill, age is on my skin. Skin is on my aching bones, trouble lies within. Trouble lies within. Let my heart find a home. Let my voice stand alone. On est dans une mauvaise passe, je pense, dans le poste d'écoute, mais cette fois-ci, à la place de l'interrompre, je vais laisser la chance aux grands publics, les nombreux auditeurs du poste d'écoute. Faites le 819-376-5183 et dites-moi si vous voulez que je laisse aller cette pièce ou que je la coupe. Seulement si vous écoutez en direct le vendredi matin, il est 11h49, je rappelle le numéro 819-376-5183. Pour l'instant, on écoute Kate Mackie et Highway. Okay, ben j'ai eu un commentaire d'un auditeur et je le cite. Donc, on vient d'entendre Kate Mackie avec l'album En Aïe, puis la pièce Highway. Si vous voulez plus d'informations, ben allez-vous... Non, c'est pas vrai. Allez voir le mplante.wordpress.com. Je vais mettre le lien dans quelques secondes à peine. On passe à un autre artiste, un autre groupe canadien. On a eu beaucoup de groupes canadiens cette semaine. Celui-là s'appelle The Death Rage. Ça a l'air très, très rock comme nom. 12 Gauge Blues est le nom de leur album. Et tout de suite, voici Bad Luck Charm dans le poste d'écoute. I'm complaining while I'm dimming out good, and I ain't superstitious enough. Death Rays avec Bad Luck Charm de leur album 12 Gauge Blues dans le poste d'écoute de Death Rays, un groupe de rock'n'roll de Vancouver en Colombie-Britannique. C'est leur premier album. Les membres sont Rusty Height, Kent Harkness, James Farwell, Massa Anzai et Oli Gagnon. C'est le nouveau drummer. C'est des membres de précédents groupes, comme toujours. myspace.com/TheDeathRays. C'est leur site web. C'est dans le genre punk rock et rock and roll. Il y a certaines profanités. Il y a le mot shit dans la première chanson qu'on vient tout juste d'entendre. C'est quand même quelque chose. The Death Rays. On va faire un petit résumé de la deuxième heure avant de se quitter. Hein, on a entendu pour commencer Zachary Richard avec Lumière dans le noir de son album du même nom. On a entendu Darren Frank avec l'album Cold Diamond. Colleen Brown avec Foot in Heart. Johnny Hollow, que j'ai particulièrement aimé, avec Dirty Hands. Ensuite, on a coupé The Boy from E.T. avec Lives the Part. Et puis, on a coupé aussi Kate Mackey avec On High. On termine la deuxième heure du poste d'écoute par The Death Rays. L'album s'appelle 12 Gauge Blues, je le rappelle. Et voici Nowhere to Go But Down. Dans la troisième heure, on va entendre entre autres du Rudy Kaya. Et Danny Janvier sera avec nous pour l'entrevue avec Mad Caps. Vous synthétisez le poste d'écoute au 89.1. Nowhere to go but down. Bon retour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales en même temps que vous pour la première fois, excepté dans le blog Fidèle au Poste. Et Danny Janvier est justement avec nous pour nous parler de Madcap. Oui, cette semaine, j'ai eu l'occasion, plutôt cette semaine, de rencontrer Monsieur Frédéric Pellerin de la formation Madcap, le lead singer. Et puis, ben, c'est ça, il nous disait que l'album, c'est une petite exclusivité, l'album est en magasin seulement le 12 février. Oh, c'est loin quand même. Presque un mois. Wow. Donc, on a la chance de les avoir en spectacle la semaine prochaine. Mais là, je parlerai pas plein d'affaires parce que ça va tout être la même chose qui va se dire dans l'entrevue. Donc, on va aller écouter une petite pièce, ensuite l'entrevue et une autre petite pièce. On va écouter New Messiah tout de suite au Poste d'écoute avec Madcap. I'm a fighter. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Pellerin, non pas le conteur, mais plutôt le lead singer et guitariste de la formation Funk Rock ou Rock Madcaps et fondateur de Voxstone Records. Salut Fred. Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui. Yes. Parle-nous de ce qui t'amène ici à Trois-Rivières, dans les superbes studios de C'est Fou. Ben, on est ici pour présenter notre nouvel album Kiss the Lion qui s'en vient très bientôt, qui va sortir en fait le 12 février. Mais on a un spectacle au Gambrinus le 22 janvier, donc en avant-première. C'est ici qu'on va faire la première fois notre spectacle. Puis la plupart des nouvelles chansons, on les a jamais faites à date en show, donc ça va être une première ici à Trois-Rivières. Finalement, un retour aux sources dans la petite ville de Trois-Rivières. Exactement. Excellent. Justement, parle-nous du troisième album avec les deux premiers. Ben, je te dirais que ça a été une évolution. Le troisième album, l'album qu'on vient juste de faire, c'est plus rock, je te dirais, que les deux autres. C'est un peu un retour à peut-être à tout ce que j'ai écouté dans ma vie. Puis c'est un mélange des influences de tous les membres du groupe. Je te dirais qu'il y a des aspects rock, je te dirais pas metal, mais quand même assez hard. Puis en même temps, il y a certaines chansons qui gardent ces éléments-là, mais en même temps que la rythmique est plus proche de des artistes comme James Brown ou les Red Hot Chili Peppers. C'est encore sur certaines pièces du funk rock à un certain égard, mais c'est plus heavy, je te dirais. C'est plus assumé, puis on avait vraiment le goût de ne pas se retenir puis de ne pas faire aucun compromis commercial là-dessus. Tu sais, ça reste accessible, mais on n'a pas fait les chansons dans aucun but de single radio ou quoi que ce soit. Là. Plutôt dans le but de s'amuser. C'est ça. Donc, j'ai lu à plusieurs endroits, Fred, que vous aviez plus de succès à l'extérieur du Québec qu'ici. Peux-tu nous expliquer? Je dirais pas qu'on a plus de succès. D'une certaine façon, oui, mais c'est plus facile de diffuser notre musique à cause de la barrière de la langue, mais je pense que c'est de moins en moins ça maintenant quand on regarde des artistes comme Pascal Picard, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je pense que les gens regardent plus si c'est bon ou pas, à place de regarder dans quelle langue c'est. Mais je te dirais qu'au Canada anglais, ça a toujours été plus facile, peut-être aussi parce que c'est plus exotique, on vient de Montréal, tu sais, puis la ville de Montréal a une bonne réputation, puis je sais pas, ça a toujours été plus facile. Ceci dit, quand on joue au Québec, ça se passe très bien aussi. C'est peut-être que les gens, le nom est peut-être moins diffusé que dans le reste du Canada. Parle-moi, c'est quoi un show des Madcaps? Un show des Madcaps, c'est quelque chose qui est bien énergique, je te dirais. Souvent, c'est encore plus énergique que sur CD. C'est ça, c'est un mélange de funk, de rock. C'est très énergique. Je pense qu'en général, on laisse pas les gens indifférents à ce qu'on fait. Là. C'est notre force en général. Souvent, ce qu'on a lu, en tout cas, nous autres même, dans les journaux, les articles qui sont écrits, souvent, ils font état des spectacles, puis on a rarement une mauvaise critique de spectacle, je dirais. Parlant de spectacle, sûrement en tournée, parle-nous de la tournée, ben, pour quand? On part en tournée bientôt. Regarde, on joue ici le 22. On lance notre album le 12 à Montréal. On joue à Toronto aussi bientôt, à Québec le 15 février, puis après ça, on part pour un mois jusqu'à Victoria, sur l'île de Vancouver, puis on revient. Donc, on va être en tournée jusqu'à fin avril. Puis après ça, on va faire d'autres spectacles au Québec. Donc, un printemps bien rempli. Justement, on parlait de Voxstone. Qu'est-ce qui s'en vient pour Voxstone? Voxstone, là, on vient de finir, évidemment, Madcaps. Le prochain projet, c'est Caïman Fou, qui va être réalisé par Glenn Robinson, qui a fait le dernier album de Xavier Caféine. Puis il a travaillé aussi avec Tea Party. Il a fait notre dernier album aussi. C'est un gars qui est bien solide, puis qui est très bon, donc ça promet. Puis ça va sortir Caïman Fou en septembre prochain. Puis ça va sonner Caïman Fou encore? Ou? Oui, non, je pense que... Ou plus hard, justement. Je pense que c'est... Eux autres, même aussi, ils s'en vont vers quelque chose d'un petit peu plus rock. Mais je pense que ça va rester du Caïman Fou quand même, oui. Excellent. Qu'est-ce que tu écoutes, justement, dans ton iPod, dans ta voiture, quand tu es descendu iPod, ici? C'est très, très... Varié? C'est très, très varié. Ça va de Nine Inch Nails à James Brown, en passant par James Blunt. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment très, très varié. La musique des années 60, autant que des affaires plus récentes, LCD Sound System, des choses comme ça, Franz Ferdinand, du vieux funk des années 70, c'est vraiment... Regarde, je me mets pas de limite, là, aucune. OK. Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Mettons, dans les trucs nouveaux, ben, je sais que t'écoutes des trucs, t'as une bonne culture musicale, là, mais mettons, dans des trucs nouveaux, qu'est-ce qui te frappe un peu plus, là? Ben, j'ai bien aimé, ça, des dernières années, Franz Ferdinand. Qu'est-ce que j'ai aimé? Kaiser Chiefs aussi, que j'ai bien aimé. C'est un groupe en anglais. C'est assez pop. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis récemment, j'ai découvert LCD Sound System. Je connaissais pas ça, mais j'en entendais beaucoup parler. Fait que justement, j'allais me downloader ça, puis je trouve ça bien bon. J'aime ça parce que ça a un côté quand même un peu funk dans ce qu'ils font. Puis non, c'est pas mal, je te dirais, les découvertes que j'ai faites récemment. Puis la pièce que tu voudrais qu'on fasse jouer à la fin de cette entrevue? On pourrait écouter Surrender. Je te dirais que ça fait un peu le pont entre l'ancien Madcaps puis le Madcaps nouveau. Ça garde des éléments un peu funk qu'on a toujours eu dans notre musique avec un son un petit peu plus... plus musclé, là, donc c'est ça, Surrender. OK, puis rappelle-nous la date du spectacle à Trois-Rivières. Donc, mardi 22 janvier au Gambrinus. Donc, c'est seulement 7$, c'est très abordable. C'est à partir de 21h, donc bon, ben tout le monde est invité. Soyez-y. Soyez-y. Ben, merci, Fred. Merci à toi. Surrender de la formation Madcaps avec leur tout nouvel album. Même pas chaud parce qu'il n'est pas encore sorti. Il n'est même pas cuit encore. C'est vrai, pareil, la galette n'est même pas encore cuite. L'album Kiss the Lion qui va sortir le 12 février partout en magasin et sur iTunes. Tantôt, Fred disait qu'il downloadait des albums, etc. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment lui-même un fondateur d'un label et d'une maison de disques. Donc, il download sur iTunes. Justement, il m'en parlait souvent dans les parties. Ils vont triper sur une toune, puis ils s'en vont sur l'ordi, puis ils trouvent ça super le fun parce que ils parlent d'une vieille toune, ils s'en vont sur iTunes, ils l'ont tout de suite. Une pièce la toune, pas cher. Exactement, puis tu vas chercher la track que tu veux. En passant, juste pour un petit mot comme ça, parce que durant l'entrevue, on n'en parle pas, Madcap, c'est Frédéric Pellerin, justement, à la voix, à la guitare, au saxophone, B3, clavier, road mode, etc. Eh bien, c'est René Montigny à la base et aux voix secondaires, donc au back vocal, c'est Marianne Arsenault. Et à la batterie, percussion, c'est Jonathan Gagné. Il y a bien sûr plein de musiciens additionnels, mais là, on ne commencera pas à nommer toute la famille. Mais donc, c'est à découvrir, Madcaps. Moi, j'aime bien ça. Et la pièce qu'on vient d'entendre, Surrender, ça sent le palmarès. Oh, ça sent, hein? Ça sent le palmarès. C'est pas encore cuit, mais ça sent bon dans la cuisine, mettons. Ouais. pour nous quitter avec Madcaps, eh bien, ben, on quitte pas le poste d'écoute, mais on va quitter Madcaps. Eh bien, on va aller avec la première pièce de l'album, Winner or Loser, tout de suite. You have something like a free ride. Comfort is your state of mind, but there's a certain something inside that doesn't like to be denied. A broken toy, tiny daydreams. How could you ever know what they mean? They have some people like your reason. It just makes you wanna scream. Does it ever really matter? Tout le monde se plante et se fait avoir. Diego, j'ai hâte de jouer sans toi, c'est l'obscurité. Diego, j'ai hâte, puis je m'ennuie de toi, sans toi, c'est l'obscurité. Diego, j'ai hâte de jouer sans toi, c'est l'obscurité. Jouer, c'est mon étoile. Diego, j'ai hâte de jouer juste quelques accords, pis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte, j'm'ennuie de toi, raconter nos histoires, changer nos déboires. Diego, j'ai hâte de jouer juste quelques accords, pis toi qui frappe trop fort. Diego, j'ai hâte, j'm'ennuie de toi, raconter nos histoires, changer nos déboires. Rudy Kaya et Diego de l'album Le Taureau dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est ce qui ouvrait la dernière demi-heure de l'émission. On va entendre quelques autres pièces de Rudy Kaya, mais avant, parlons un petit peu de lui. Le plaisir retrouvé du monde qui veulent juste jouer, éclairer vos soirées pour allumer vos étés. Cet extrait de la chanson Le Taureau décrit précisément les intentions que Rudy Kaya avait lorsqu'il a décidé de faire cet album. Avoir du plaisir en faisant ce qu'il aime avec des gens aussi passionnés que lui. Ce plaisir et cette liberté, on les retrouve tout au long des 11 chansons qui constituent Le Taureau. Rudy Kaya avait déjà volé de ses propres ailes en 95 avec son premier album solo Mourir de rire. Plus de 10 années se sont écoulées avant qu'il décide de retenter l'expérience. Pour cela, il fallait qu'il y ait quelque chose à dire. Le Taureau, c'est la rencontre entre deux musiciens, Hugo Mudi et Rudy Kaya, rencontre qui semblait a priori improbable. Pourtant, lorsque les Yesterday's Ring, un autre groupe de Hugo Mudi avec The St. Catharines, ont été approchés pour faire la première partie de Vilain Pingouin, les punk rockers montréalais ont accepté sans hésitation et avec un enthousiasme évident. De son côté, Rudy Kaya songeait déjà à son prochain album solo lorsqu'il a entendu la musique des Yesterday's Ring et qu'il a demandé à Hugo Mudi de faire une chanson sur son prochain disque. Finalement, ce n'est pas qu'à une chanson à laquelle Hugo Mudi a collaboré, mais à l'ensemble de l'album. À titre de réalisateur, l'objectif des deux musiciens pour cet album était le même, faire un disque simple, efficace et fidèle aux genres musicaux. Les chansons rock sont rock, celles qui sont reggae et les ballades, eh bien, elles sont tout simplement des ballades. Rassembleur dans la musique, aussi bien que dans les textes, Le Taureau aborde des sujets plus personnels, bien qu'on y parle de sujets sociaux. Ils sont plus centrés sur l'individu que sur la société en général. Engagé, Rudy Kaya plutôt conscientisé, dit son MySpace au myspace.com/RudyKaya. Bien que Le Taureau porte la signature de Rudy Kaya, ce dernier voulait que l'album soit travaillé comme si c'était l'album d'un band. Mission accomplie, on sent à l'écoute que les nombreux collaborateurs qui ont participé à cet album l'ont fait avec les mêmes intentions et le même plaisir que Rudy. De ce nombre, on compte le groupe Yesterday's Ring, qui est aussi de St. Catharines, pardon, la phrase Yesterday's Ring aussi de St. Catharines, les frères Séguin, les Delaware Chuck, Paul Carniello, Thomas Augustin de Malajube, Marie-Ève Roy des Bugaires Machin, Rick Hayworth et les membres de Vilain Pingouin. Si vous voulez plus d'informations, je vous rappelle l'adresse, c'est le myspace.com/RudyKaya. Quelques spectacles à noter, il va être, on est quelle date, on est bien le 18 en ce moment même, en direct le vendredi. Il va être à Sherbrooke ce soir au Vieux Clocher, il va être le 9 février à Saint-Jean-sur-Richelieu, il va être à Rimouski plus tard, à Lassard, à Mont-Laurier. Il va passer à Montréal le 12 mars, Chicoutimi, Granby, Joliette, Saguenay et La Valtrie. Je vois pas de date à Trois-Rivières, malheureusement, si ça vous intéresse. Donc, voilà, dernière fois, le myspace.com/RudyKaya. On s'en va entendre dos à dos les deux prochaines pièces de l'album Le Taureau. Voici Le Taureau, précédé de On se rentre dedans et ça commence maintenant au poste d'écoute au 89.1 FM. Juste au dernier moment, un coup de roue, une autre voix, il vient changer ses plans. Et sans trop se soucier de qui il était devant, l'autre derrière n'ayant comme choix que de prendre le champ. C'est comme ça, c'est comme si, c'est la vie comme on dit. Y'en a qui vont tomber, y'en a qui vont rester. C'est comme ça, c'est comme si, c'est la vie comme on dit. Mais je crois que je voulais dire, on se rentre dedans, chaque fois qu'on se frappe, on change de cap. On se rentre dedans, on se rentre dedans, chaque collision, une direction. On se rentre dedans, comme quelqu'un qui décide que c'est plus comme avant. Un coup de tête un bonheur basculant. Et sans trop se soucier de ce qui est conséquent. Les coups de tête, c'est comme ça, ça frappe sans avertissement. C'est comme ça, c'est comme si, c'est la vie comme on dit. Y'en a qui vont tomber, y'en a qui vont rester. C'est comme ça, c'est comme si, c'est la vie comme on dit. Et je crois que je voulais dire qu'on se rentre dedans. On se rentre dedans. Chaque fois qu'on se frappe, on change de cap. On se rentre dedans. On se rentre dedans. Chaque collision, une direction. Et comme des boules de billard qui se frappent par milliards. Des atomes qui s'accrochent et l'eau qui se décroche. Des planètes qui s'approchent et l'eau qui se reproche. Des aveux qui se garochent et des amants tout croche. Mais allez donc savoir qui on frappe dans le noir. Et on garde tous espoir sur la bonne trajectoire. On essaie tous d'y croire, connaître la fin de l'histoire. Une question de pouvoir, une question de vouloir. Avec l'album Le Taureau et trois pièces Diego, on se rentre dedans et on vient d'entendre la pièce titre Le Taureau. J'ai bien aimé, je m'attendais pas à ça. En fait, je sais pas à quoi je m'attendais, Rudy Kaya, je sais pas. J'ai aucune idée, j'avais pas de préavis là-dessus. Mais bon, j'ai bien aimé Rudy Kaya, Le Taureau, c'est l'album. On termine la troisième heure et la dernière heure du poste d'écoute par le groupe de féministes. Leur album, c'est Can't Scream Loud Enough, et on va l'entendre à l'instant même, la pièce The Beginning of the World, et après ça, on reviendra avec d'autres petites pièces et la conclusion de l'émission. Sometimes the city moves too fast, but only ghosts live in the past. And all the evidence you've saved is quickly filed away. You're just as lost as yesterday. A public hanging in the fog. Hey man, I'm just doing my job. Come on, cheer up, little girl. It's the beginning of the world. Come see the pretty flags unfurled. But it's a long wait after knowing. It's a long wait after knowing the coast is clear. Caught some sunshine in the hole. Revealed just how much you got old. Someone's responsible, you say. Does that make it okay? We're still skipping to our graves. But it's a long wait after knowing. It's a long wait after knowing the coast is clear. Ghosts live in the past. Et la pièce 21st Century Ghost qui s'en vient, The Beginning of the World, qui vient tout juste de jouer. Et ça vient de l'album Can't Scream Loud Enough. On va faire un petit résumé de la troisième heure du poste d'écoute avant de se quitter. On a commencé par Bad Caps, l'album Kiss the Lion en avant-première, ainsi que l'entrevue de Danny Janvier. Tout ça, ça va être sur le cif.ca d'ailleurs. Rudy Kaya avec Le Taureau et puis The Feminist avec Can't Scream Loud Enough. Si vous voulez voir les liens des artistes qu'on a joués aujourd'hui et de toutes les émissions du poste d'écoute, allez voir le mplante.wordpress.com, le site temporaire mplante.wordpress.com, en attendant le retour du site officiel. C'est tellement triste quand ça arrive, mais que voulez-vous? Poste d'or, l'album de la semaine cette semaine, bien évidemment, c'est Madcap. Quand on a une entrevue comme ça, c'est inévitable. Madcap, c'est Kiss the Lion. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. Le poste d'écoute est en direct les vendredis matins à 10h et en rediffusion les samedis et mardis à partir de 13h. Je rappelle l'adresse du site mplante.wordpress.com. On se quitte avec la deuxième pièce de The Feminist qui s'appelle 21st Century Ghost de la part de toute l'équipe fictive de Danny Janvier, de Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance. Bye bye. You won't believe